on avait Marie qui doit toujours se retrouver en direct avec nous de Troyes. Oui, je suis là. Marie avec qui on a fait le jeu des trois mots, Karine, et qui réclamait de la part de Gérard, ce qui est tout à fait normal, qui remet sa chemise, et bien tout simplement de chanter. Et... Justement. Oh là là, la radio, baissez la radio, je vous en supplie. Justement, dans le catalogue combien large de notre ami Gérard, il y a une chanson de Phil Barnet qu'il affectionne tout particulièrement qui s'appelle... Avoir un seul enfant de toi. Voilà, avoir un seul enfant de toi, le vrai titre c'est Un enfant de toi. Ouais. Et donc Gérard va nous l'interpréter, bien entendu. On écoute ça, Karine et Marie ? Ok. Attention, c'est parti. De février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Manon. Le matin là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Moutard soufflant sur mes doigts. On va le refaire, attendez, excusez-moi, parce qu'on a été déconcentré. Eh, dis donc, c'est toi, tu t'en souviens des paroles? Bah ouais, mais avec la musique, je m'en souviens. Hein. On va enregistrer quand même, Fildar, je sais pas si t'as une DAT ou un truc. Est-ce qu'on peut enregistrer comme d'hab la voix? Je vais en chercher une. Hein. Génial, ouais, non, on va prendre 2 minutes. Hein? On prend la nôtre, la celle de l'émission. À la suite derrière. Ah, il y en a d'autres derrière. Non, il y en a pas. On a d'autres? Non, il y en a pas. Attends, sinon on prend une autre. Attends, on prend celle-là. On prend la deuxième. On prend la deuxième. Allez, c'est pas grave. Quand même bien, c'est moi le chef et je demande les autorisations aux responsables parce que pour peu je me fasse engueuler et Claude il me dit tant t'es gentil, tu retournes à ta cage, toi tu pars derrière le micro. Fildar. Ouais. C'est quoi, c'est celui du bas ou du haut? Du haut. Il n'y a qu'une voix, il n'y a qu'un côté qui marche. Oui. Et après ça sera en mono, c'est ça? Ouais. D'accord. Ah non, c'est celui-là, mais non, c'est celui-là, fiche micro. Et celui du bas, en stéréo. Fiche micro. Vous voulez les micros seulement? Bah oui. Bah ouais. Ah là là. C'est quoi ça? Je crois que c'est moi. Attention. C'était qui, moi, Marie? Oui. Ah, c'est le portable qui a sonné. D'accord. Attention, t'es en direct à la radio, ma chérie. Bah, tu l'éteins, le portable. Bah alors, ouais, quand même. Fait. T'éteins ton portable. Attention, je rappelle que si vous voulez poser des questions à Gérard, le standard vous est ouvert. Vous avez un problème de santé, vous voulez parler, je sais pas, d'arrêter de fumer, de maigrir, de parler des vacances, si vous avez des soucis, pas savoir où partir, un tracas quel qu'il soit, Gérard, on va essayer de faire le maximum. Bon, on va essayer, hein. C'est vrai que ce souvent, t'as des bonnes idées. Attention, 0803 08 5000. Juste un tout petit truc, les filles. Pour tirer ce corner. Un corner d'équipe de France avant la... C'est sortant sur la tête de Desailly, c'est pas terminé. Est-ce qu'il y a le goal en or? Est-ce que c'est le but en or? Ouais. Lors des trucs. Ah, c'est le but en or, toujours dans les prolongations, même en euros? Ouais. Ah d'accord, donc maintenant ce sont des règles qui sont pour toutes les compétitions, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de France, d'accord, ok, très bien, je ne le savais pas. Karine et Marie, oui, attention, ouais. On va vous éteindre, enfin on va vous enlever de l'antenne pour faire profiter au maximum de performances de Gérard qui nous interprète, donc Phil Barnet, Un enfant de toi, écoutez. De février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Zanon. Matin là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Tout en soufflant sur mes doigts, je disais pas qu'il soit un garçon. Avoir un seul enfant de toi. Ça fait longtemps que j'attendais, le voir mourir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Et te sourire ton regard, quand tu te lèves le matin, l'amour et tout l'espoir, tu tiens la main, pour te téléphoner. Devant la porte de la clinique, et comme un coup je suis rentré, son fils était aigri. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le jour dont je rêvais. Le sourire, ton regard, quand tu te lèves. L'amour et tout l'espoir, le brume me tient la main, tondu un papier blanc, un petit ange dormi. On m'a dit d'une voix étrange, c'était tout ce qui me restait, ma poupée très gentille, et moi je ne comprenais pas. Dans son mur, il y avait sa vie, et quand je tiens son rêve, je se prend. Quand je vends que ça fait le vide, quand je fais 10 ans que tu n'es plus là, un homme que tu m'as fait briller. Tu es mort à travers moi, il a pris ta place, voilà, et je me trompe, et ma geste de vos visages, de faire le chien le mieux. Un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, le revenir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. D'ouvrir ton regard quand tu lèves le matin, l'amour et tout l'espoir, et quand tu te lèves à voir. Et voilà, bonne. Et voilà. Alors les filles. Bravo. Est-ce que vous avez bien entendu Gérard chanter? Ah oui. Êtes-vous bien sûr de bien l'avoir entendu? Ah oui, c'était génial. Bien. Alors, vous avez dit que c'était génial. Qui a dit ça? C'est moi. C'est qui, Marie. Moi? Marie. Et toi, Karine, qu'est-ce que moi, tu dis? Je pense que c'était courageux. C'était courageux, mais est-ce que c'était génial? C'est un autre mot. Hein. Ouais. Alors, on va réécouter maintenant. On va réécouter maintenant. Gérard. Parce qu'on a enregistré uniquement que sa voix, sans la chanson. Et vous allez donc maintenant pouvoir réécouter Gérard sans la chanson. Et là, vous allez me dire encore si c'est génial, hein? D'accord? Alors attention, écoutez, faire profiter au maximum de performance. Karine et Marie, vous écoutez bien? Ouais, ok. Attention, voici. Le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Zazon. Ce matin-là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Je me soufflant sur mes doigts, ouais. Je disais, petit, sois un garçon. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir mourir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Elle fait sourire ton regard quand tu te lèves le matin. Amour et tout l'espoir, tu te mets la main. Alors là, vous dites quoi, là? On t'a téléphoné. Attendez, écoutez la suite. Allez, je suis pour ton quitter. Tu as tout rêvé avant de finir. Papa, c'était magie. Alors, on va réécouter le moment. Attendez. Vous allez bien si vous comprenez. Tout l'espoir. Là. Le truc me la main. On t'a téléphoné. Allez, je suis pour ce ton quitté. T'as tout rêvé avant de finir. Papa, c'était magie. Alors, est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire? Ça continue. Devant la porte de la clinique. Et toi, ma fou, je suis me rentré. Son fils était aigri. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le raison dont je rêvais. Encore après. Et tout rire ton regard quand tu te lèves le matin. Tu vas avancer? Ouais. Enfin, écoutez. Pour et tout l'espoir. Karine et Marie. Ouais. Et tous ceux qui nous écoutent, écoutez bien, parce qu'apparemment Manu lui écoute à un moment donné où il se passe un truc bizarre. Attendez, en avant donc avec la DAT, ça se fait en direct. Ah, voilà. Juste après, écoutez bien, apparemment c'est chaud. Donc c'est Gérard qui chante par-dessus le texte, hein. bon, là, il y a le break, il fredonne, il est là, il reprend dedans, sa... Il est dedans. Dans tout grand que ça fait le vide, en se plaignant que tu n'es plus là. Dans tout homme, je suis dans la plaisirie. Vraiment à travers toi. Ah oui, là, là, c'est chaud, là. Il a pris ta place. Oh là, et toi, c'est pour toi. Gérard, la question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que tu peux être vide quand tu peux pleurer. Comment tu fais pour chanter un truc pareil? Non, mais tu me l'avais me prendre court aussi. Il fallait que je l'apprenne avant. Il fallait que j'aie des paroles. Et Marie et Karine, bien entendu, avec la voix de Phil Bardet, se sont dit, c'est pas mal. Bah oui, c'est sûr. Mais maintenant, quand on réécoute maintenant avec du recul, quand on écoute que la voix de Gérard, forcément, on dit déjà, là, c'est déjà beaucoup moins bien. Et oh my god. Oh my god, comme tu dis, c'est ça. Oh Jésus, c'est ça? Non, mon Dieu. Je rigole.